Putain, mais oh. Mais il accélère, hein. Biloba. Un peu pompé sur la Davinson, je l'avais dit. Kristen. 76 E G E A. Attendez, au fait. Solo, je pense qu'il s'accroche à vous. Il va très vite. Voilà. Attends. je sais pas, moi, trop fort aussi. Vas-y. Je t'entends pas là, attends, faut tenter. Parce que si on prend le niveau de... Vas-y, je t'entends pas. Enfin, essaye un truc. Thank you. par un. Prêt? 2, 3. Sorry for you. What they thought about his daddy, but nothing but a why he was sitting all alone at age 13. Your real daddy was dying. Sorry you didn't see him. Oh, but I'm glad we saw. Thank you. De rap quoi, avec deux accords on peut faire des morceaux de rap. Moi je vais sur Skyrock tous les soirs. Moi je vais vous faire un rap. Yo, allez. Thank you. Thank you. Woo!